Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre horoscope de la semaine du 5 mai 2025. J'espère que vous vous portez bien et je vous propose de découvrir tout de suite ce que les astres nous réservent. Amis Bélier, l'influence de Mars et de Pluton renforce votre force intérieure et votre esprit de combat. Alors restez bien focus sur vos objectifs pour en tirer le meilleur parti. Côté relations, Vénus, Neptune, Mars et même Pluton qui s'y met vous plonge dans des rapports passionnels. Savourez cette période de désir intense. Chers amis Taureaux, un très joyeux anniversaire si vous le célébrez cette semaine. Alors, à l'approche du week-end, Mercure éveille votre esprit et vous aide à faire face aux défis que présentent certaines tâches. Alors, restez ouvert aux nouvelles idées. Côté relations, quelqu'un pourrait vous faire du pied. En solo, eh bien, faites comme bon vous semble. En duo, méfiez-vous des complications, ça peut arriver. Gémeaux, vous êtes comme une version améliorée de vous-même. Bravo, tout vous intéresse, vous êtes doué pour beaucoup de choses, alors foncez et profitez du moment surtout. Côté relations, Vénus, Mars et Pluton titillent votre sensualité. Célibataire, ouvrez-vous à l'amour et laissez-vous porter par le désir. De belles rencontres vous attendent, oui, oui. Cancer, physiquement, le soleil vous envoie sa force. Vous êtes en béton, mais côté moral, c'est fluctuant. Alors, pour équilibrer, par exemple, votre humeur, pardon, trouvez chaque jour une chose qui vous fait sourire. Ça va rebooster les batteries. Voilà. Côté relation, Neptune trouble vos rapports. Essayez de clarifier vos émotions pour trouver un petit peu d'ordre. Lion, chers amis, selon Mars et Mercure, eh bien, vous pouvez miser sur votre esprit de synthèse pour ne pas surchauffer vos neurones et vous épargner de la sueur. Voilà, on essaie de bien réfléchir pour bien structurer et faciliter un petit peu les choses. Côté relation, eh bien, la sensualité prend le devant de la scène, mettant en lumière votre vie amoureuse. N'hésitez pas à explorer de nouvelles expériences. Vierge, eh bien, vous vous ennuyez un petit peu. Mais ouf, parce que Mercure vous incite dès samedi à élargir votre éventail de connaissances. Alors songez par exemple à des stages ou formations diverses par exemple. Côté relation, Vénus-Neptune vous enivre. En duo, pensez aux petites attentions qui renforceront votre connexion, oui, et même éveilleront vos sens. Voilà, à votre imagination. Balance, bien que Saturne et Neptune puissent provoquer des variations d'énergie, les autres planètes vous soutiennent. Et ça, c'est sympa, merci les planètes. Restez positifs et ouverts aux opportunités. Ouvrez l'œil. Côté relations, Jupiter, Vénus et Neptune vous envoient tout droit au 7e ciel, sympa. Le joli mois de mai se fête dans les yeux. Voilà, les yeux dans les yeux, profitez de ce bel aspect planétaire cette semaine en tous les cas. Scorpion, pardon. Le soleil Uranus vous met face à des défis. Essayez de faire évoluer vos entreprises avec stratégie. N'y allez pas en force. On se calme, Scorpion. Côté relations, eh bien, dès samedi, Mercure encense les nouvelles collaborations professionnelles, voire les relations d'affaires. Alors, profitez-en pour établir des contacts solides. C'est le moment de peaufiner votre carnet d'adresses, de le qualifier, etc. Voilà. Capricorne, Mercure vous rend plus créatif ce week-end. Sympa, cela va vous aider d'ailleurs dans votre quotidien. Peut-être des activités, des loisirs un petit peu créatifs ce week-end. Laissez votre imagination s'épanouir tel un bouquet de fleurs sauvages, c'est tout vous ça. Côté relation, votre vie privée est stimulée. Eh bien, essayez de trouver l'équilibre entre vos besoins d'indépendance et l'attachement de votre famille, à votre famille, pardon. Verseau, Pluton et Mars vous rendent rigide. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Travaillez votre souplesse, restez ouvert aux concessions et peut-être pour justement saisir les perches que l'on vous tend. Côté relation entre Vénus, Jupiter et Neptune, vous filez le parfait amour. En famille, malgré les différences de caractère, eh bien, chacun réussit à s'adapter aux autres. C'est sympa, profitez pourquoi pas d'un petit déjeuner en famille. Poissons, chers amis poissons, jusque vendredi, côté finance, eh bien, il y a des questions cruciales à la clé. Pas de précipitation, prenez le temps de réfléchir. Côté relation, Vénus, Mars et Neptune vous comblent. L'amour occupe votre esprit et votre cœur. C'est sympa, ça fait du bien. Soyez à l'écoute de vos émotions et laissez-vous guider par votre passion. Voilà, chers amis, quelques prévisions pour cette semaine. J'espère que voilà, vous ne serez pas déçus, que les astres seront à la hauteur de vos attentes et en tout cas qu'ils vous soutiendront dans votre quotidien. Voilà. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Pour ceux qui traversent une période un petit peu compliquée en ce moment, bah gardez le cap, gardez la foi, les jours meilleurs arrivent. On sait que parfois c'est difficile, mais voilà, on essaie de garder focus sur les beaux jours et de s'entourer de personnes bienveillantes surtout. Voilà, on pense très fort à vous tous et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles prévisions. Prenez bien soin de vous.